Et maintenant, je voudrais revenir à nos mots en Haitien, en Haitian. Vous connaissez par exemple les équivalents anglais de invitation ou de confirmation qui se disent invitation, confirmation. Invitation et confirmation. Eh bien, il se trouve qu'il est extrêmement facile de créer des verbes à partir de ces mots en Haitian. Il suffit de supprimer la terminaison Haitian. Par exemple, invitation donne to invite, I-N-V-I-T-E, et donc confirmation donnera le verbe to confirm. To confirm, C-O-N-F-I-R-M. Alors, si silence se dit silence, et ça s'écrit comme en français, comment direz-vous « nous allons observer une minute de silence » ? Vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas que « aller » dans le sens de « s'apprêter à » est rendu en anglais par l'expression « to be going to » suivi du verbe « nu ». Donc « aller faire » donnera « to be going to do ». Alors reprenons notre exemple. Nous allons observer une minute de silence. We're going to observe a minute of silence. We are going to observe a minute of silence. Mais dans notre cas, ce n'est pas ce que nous allons faire. Quoique, si vous le souhaitez, vous êtes bien sûr libre d'appuyer sur le bouton pause. Alors continuons sur notre lancée. Je vous laisse deviner la traduction du mot « continuation ». Et à partir de là, me dire « nous continuons à être de bons amis ». Mot à mot, « à être bons amis ». We continue to be good friends. We continue to be good friends. Et maintenant, je vais vous demander d'avoir recours à votre imagination. Vous connaissez sans doute une célèbre chanson de John Lennon qui s'appelait Imagine. Imagine, that's right. Mais revenons à nos transformations et nos traductions, translations. Le mot translation peut être facilement transformé en verbe. Pouvez-vous le deviner? To translate. To translate, oui. Nous l'avions rapidement évoqué dans la première partie. To translate, traduire. Alors comment direz-vous, comment traduit-on le mot informé? Ici, on sera rendu par you et non we. Alors, comment traduit-on, c'est-à-dire comment traduisez-vous le mot informé? How do you translate the word informé? How do you translate the word informé? Et je vous laisse donner la réponse, c'est to inform. To inform, of course. Alors continuons, prenons le mot suggestion. Pouvez-vous deviner sa traduction en anglais? Suggestion. Suggestion. Et maintenant, enlevez la terminaison « tion » et vous obtiendrez le verbe correspondant. To suggest. To suggest. Right. Et on avait évoqué précédemment le mot « attraction » correspondant au français « attraction ». Alors, quel sera le verbe correspondant? To attract. To attract. Oui. Alors, il y a certains mots qui changent quand on les transforme, comme c'est le cas de decision, qui donne to decide. Exactement de la même manière qu'en français, on a attraction et attirer, et non attracter, ou décision et décider, et non déciser. Alors, en partant de cette information, comment direz-vous « hier, j'ai décidé d'acheter une voiture » a car. Yesterday, I decided to buy a car. Yesterday, I decided to buy a car. Oui. Alors, il existe quelques autres verbes qui, de la même manière, se distinguent des noms à partir desquels ils sont formés, tels que « division » qui donne « to divide » ou « conclusion » qui donne « to conclude ». Mais revenons à des cas plus prévisibles. Si l'éducation se dit « education », comment direz-vous « il y a des parents qui éduquent leurs enfants à la maison » ? Alors procédons par étapes. Il y a des parents, où « des » se traduit par « some », S-O-M-E. There are some parents. There are some parents. Donc, avant un pluriel comme « some parents », j'espère que vous avez pensé à employer « there are » et non « there is ». Alors, encore une fois, il y a des parents qui éduquent leurs enfants, « their children », à la maison, avec, comme vous le savez peut-être, « qui se traduit « who », W-H-O. Who educate their children at home? There are some parents who educate their children at home. OK. Donc, enfant au pluriel se dit children. C-H-I-L-D-R-E-N. C'est le pluriel un peu particulier de child. C-H-I-L-D. Bien, alors nous avons donc vu que dans beaucoup de cas, le nom et le verbe sont très proches du français. D'autres mots ne ressemblent pas de manière aussi évidente à leur French equivalent, mais vous devriez le plus souvent pouvoir deviner leur sens. Et si vous connaissez déjà un mot de la même famille, par exemple le nom, vous n'aurez aucun mal à reconnaître le verbe correspondant. Pour reprendre un exemple que nous avons déjà vu dans la première partie, si je dis « I need to explain the situation », quel nom pouvez-vous associer au verbe « to explain » ? Explanation. Explanation. Mais le verbe to explain s'écrit E-X-P-L-A-I-N avec un I entre le A et le N. Donc, explication, explanation, et expliquer, to explain. Alors, un mot bien utile quand on apprend une autre langue, c'est le mot pronunciation, écrit N-U-N, qui donne le verbe to pronounce, qui lui s'écrit N-O-U-N. Alors, comment direz-vous « son nom à lui est impossible à prononcer » ? Alors, le mot pour dire « nom », c'est « name », N-A-M-E, comme dans « what's your name ?»« Quel est votre nom ? Comment vous appelez-vous » ? Alors, « son nom à lui est impossible à prononcer. » His name is impossible to pronounce. His name is impossible to pronounce. Oui, quoique, avec un peu de pratique, je suis sûr que vous arriverez à le prononcer correctement. Ok, alors, comment dira-t-on « je viens d'inventer beaucoup de mots anglais » ? Littéralement, « j'ai juste inventé beaucoup de mots anglais ». I have just invented a lot of English words. I have just invented a lot of English words, oui. Vous pouvez le dire et en être fier. You can be proud of it.